que cet homme est très bon. Il postillonne et ça s'appelle intempérer d'élocution. Quand on est sous la couette, il me fait tourner la tête.